Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'adoption de la loi 101 en 1977. C'est quelque chose, je sais pas moi, qui crée un malaise chez moi en tout cas, d'être obligé de faire des lois là-dessus quand je me dis le jour où, bientôt espérons-le, les Québécois, comme peuple, prendraient la décision de s'appartenir politiquement, il est fort probable que les 9 dixièmes des raisons pour lesquelles on est obligé de légiférer sur la langue en ce moment disparaîtraient. Le premier ministre du Québec, René Lévesque, qui exprime en 1977 son malaise à devoir légiférer sur la langue de la majorité francophone au Québec pour protéger la langue de cette majorité, le français. La situation peut en effet paraître saugrenue à celui ou celle qui ne connaîtrait pas la réalité du Québec. René Lévesque va également dire qu'il y a quelque chose d'humiliant à devoir légiférer pour protéger la langue de la majorité. C'est donc en 1977 qu'est adoptée la loi 101, cette fameuse charte de la langue française. C'est avec un sentiment d'émotion et de fierté profonde que j'ai déposé au nom du gouvernement la politique québécoise de la langue française. Le 15 novembre a marqué un moment capital de notre histoire politique. Aujourd'hui, 1er avril 1977, le dépôt de cette politique québécoise de la langue marque un autre moment capital, celui de notre évolution culturelle. Pour le peuple québécois, le dépôt de ce projet de loi, de ce projet de politique linguistique, marque que l'hiver vient de desserrer son étreinte et que sonne enfin l'heure du printemps de notre vie collective. Camille Lorrain, le père de la loi 101, ministre du gouvernement Lévesque, le 1er avril 1977, pour nous rappeler le contexte dans lequel naîtra et sera adoptée cette loi, l'historien et professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric, cette loi, la loi 101, on peut le dire, sans trop se tromper, c'est une des lois les plus importantes qui aura été adoptée dans l'histoire du Québec moderne. Oui, certainement, elle fait partie de ces lois qui ont marqué les gens, qui a soulevé de grands débats, mais qui finalement, malgré les tempêtes, malgré les discussions, malgré les passions, a finalement été adoptée. Alors donc, on est le 1er avril 1977, le docteur Lorrain, Camille Lorrain, dépose donc cette politique qui annonce dans les grandes lignes de la politique du gouvernement Lévesque de l'époque, et ce n'est que le 27 avril, donc 27 jours plus tard, que le projet de loi, en bonne et due forme, sera déposé à l'Assemblée nationale. Parce que ça va créer des remous, puis on y reviendra dans les minutes qui viennent. C'est un gros, gros morceau. On change. C'est vraiment considérable ce que le Parti québécois fait et ce que le Dr Lorrain fait avec cette loi-là. Elle est adoptée donc en 77, mais les débats autour du français commencent au Québec quelques années plus tôt, au début des années 60, en fait. Il y a déjà cette espèce de coup de tonnerre dans le ciel québécois, la publication des Insolences du frère Untel. On écoute l'auteur de ses insolences, Jean-Paul Desbiens, à la sortie de son livre en 1960. Moi, j'ai été surpris, et mon éditeur a été, lui, non seulement surpris, mais techniquement débordé, complètement débordé par la chose. Parce que vous deviez quand même vous attendre, même si vous disiez des vérités, que ces vérités ne trouveraient pas peut-être l'écho ou la résonance à l'autre bout. Oui, sûrement. Et à ce point de vue-là, je dois dire que l'aventure des insolences, appelons ça comme ça, l'aventure des insolences me laisse plus optimiste maintenant que je ne l'étais au départ. J'ai trouvé que le malade, disons, répond très bien au vaccin. Car enfin, je considère un peu les insolences comme une œuvre d'éducation. C'est un geste d'éducation que j'ai voulu poser, un geste d'éducateur, et l'éducation, c'est strictement une série de vaccins qu'il faut administrer à un malade. Les insolences ne sont, à ce point de vue-là, qu'un geste parmi d'autres. Œuvre d'éducation, vaccin à administrer à un malade, dit Jean-Paul Desbiens de ses insolences du frère Untel. Camille Lorrain, qui était un psychiatre qui voulait administrer une thérapie de choc au peuple québécois. Ça se tient, on est dans la médecine. Ouais, mais ça sera important, la publication de ce livre-là. C'est un livre important et ça montre qu'il y a deux cordes sensibles. Lorsqu'il est question de la langue française, il y a deux cordes sensibles. Il y a la question de la langue parlée et écrite des Québécois. Est-ce que les Québécois maîtrisent bien leur langue maternelle? Et ça, c'est le débat qui sera soulevé par les insolences du frère Untel, un petit livre qui sort aux éditions de l'Homme en novembre 1960, qui a un immense succès. Mais la deuxième corde sensible, hein, au fur et à mesure où on avance durant les années 60, c'est la langue d'intégration des nouveaux arrivants. Il se produit une sorte de prise de conscience chez les Québécois, chez la majorité francophone, que d'abord, il y a de plus en plus de nouveaux arrivants. Il y en a plus de 400 000 entre 1940 et 1960 qui arrivent au Québec, ce qu'on appelle les néo-canadiens à l'époque. Donc, on va créer un ministère de l'immigration au Québec en 1968. Donc, là, la question qu'on se pose, c'est mais tous ces nouveaux arrivants, là, lorsqu'il vient le temps de choisir une langue pour l'éducation de leurs enfants, vers où ils vont? Est-ce qu'ils vont vers le système scolaire anglophone ou vers le système scolaire francophone? Et là, on s'apercevra assez rapidement que c'est plutôt le pouvoir de l'attraction de l'anglais est extrêmement puissant, et donc on aura cette grande sensibilité. Et ça devient un problème politique, ce qui fait que oui, il y aura la loi 101 en 77, mais avant l'adoption de cette loi 101, Éric Bédard, deux autres lois linguistiques sont adoptées. D'abord, la loi 63, adoptée par le gouvernement de l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand en 1969. Dans quel contexte, que prévoit la loi, puis dans quel contexte on en vient à l'adoption de cette loi? Alors, en octobre 1969, justement, le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand, le gouvernement de l'Union nationale, présente, le libellé de la loi est important, loi pour promouvoir l'enseignement de la langue française. Alors, selon plusieurs, c'est un libellé très trompeur, puisque dans les faits, cette loi 63, ou ceux qui s'y opposent l'appelleront le Bill 63, a un article 2 qui fait vraiment problème, surtout pour les nationalistes, qui se lit comme suit. L'enseignement obligatoire se donne en langue française. Il se donne en langue anglaise à chaque enfant dont les parents ou les personnes qui en tiennent lieu en font la demande lors de son inscription. Ouais. Autrement dit, la loi 63, c'est la loi du libre choix de la langue d'enseignement pour les parents. Pour les parents, évidemment, issus de l'immigration, mais aussi pour les parents francophones, de la majorité francophone, vous choisissez la langue de l'enseignement. Or, ce qu'on va rapidement découvrir, alors là, c'est une loi qui soulève les tollés, puisqu'on dira, mais là, c'est le bar ouvert, c'est une loi. Alors, il y a des députés libéraux qui s'y opposent, René Lévesque en premier lieu, qui vient de fonder le Parti québécois, mais aussi François Aquin, député indépendantiste, mais aussi Yves Michaud, libéral, et il y a aussi, du côté de l'Union nationale, Jérôme Proulx qui s'y oppose, et donc tous ces gens, mais les libéraux, en gros, sont d'accord et l'Union nationale adopte cette loi. Et cette loi-là, en fait, c'est une réponse à ce qu'on va appeler la crise de Saint-Léonard. Oui, la crise de Saint-Léonard, c'est ça, c'est que vous avez là des parents d'origine italienne qui souhaitent des classes bilingues ou des classes anglophones, et en réaction à ces demandes, il y aura des parents francophones qui sont très nationalistes, bientôt qui vont former un mouvement pour l'intégration scolaire, c'est le nom de leur mouvement, qui sera dirigé par un certain Raymond Lemieux, qui vont s'opposer, qui vont donc décréter qu'il n'y aura pas de ce genre de classe, et qui, donc il y aura une opposition très farouche entre ces parents de Saint-Léonard, canadiens, français, québécois et d'origine italienne. Qui prennent le contrôle, ces parents francophones, de la commission scolaire, oui, et qui changent les règles, qui disent à tout le monde, c'est en français que ça se passe, et ça crée évidemment un débat très très vif. Écoutez, un petit micro-trottoir, la colère en fait, vous allez l'entendre, des Italo-Montréalais, lors de cette fameuse rentrée où ces francophones ou à la commission scolaire ont décidé que ça ne fonctionnait plus de la même façon. Rentrée de l'automne 68. Voilà. Et ça donne ça dans les rues de Saint-Léonard. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous préférez envoyer vos enfants à l'école anglaise plutôt qu'à l'école française? On ne préfère pas. On ne préfère pas, on est obligé. Obligé pourquoi? On est obligé par les milieux dans lesquels on se trouve à ce moment. Ce qui se passe maintenant, que nous avons perdu la liberté de choisir. C'est ça que nous demandons comme citoyens canadiens. J'ai plus d'amis des Canadiens français que des Anglais. Mais je suis dans le commerce et je vois qu'aujourd'hui le commerce c'est en anglais. C'est la seule raison parce qu'on préfère l'anglais et on veut instruire nos enfants dans la langue qu'on veut. C'est très révélateur, Éric Bédard. Ça nous permet de replacer, parce qu'on oublie avec le temps, le contexte de l'époque. Mais c'est très, très révélateur, ce qu'on vient d'entendre, du pouvoir d'attraction énorme qu'a l'anglais à ce moment-là sur les immigrants québécois. Oui, et ajoutez à ça que 1969, c'est l'année de l'adoption de la loi des langues officielles par le gouvernement Pierre-Elliott Trudeau. Donc, le message qui est envoyé aux nouveaux arrivants ou à ceux qui sont issus de l'immigration, c'est au Canada, il y a deux langues officielles. Alors, pourquoi ça se traîne? Pourquoi se sentir obligé obligé d'envoyer ses enfants à l'école française. Or, cette loi est adoptée dans la controverse. Il y a 20 000 personnes qui vont défiler devant le Parlement le 31 octobre 1969. Mais on va de l'avant. Le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand va de l'avant. Ça va lui coûter extrêmement cher au niveau de son électorat traditionnel nationaliste. Oui. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a, pour l'année, en tout cas 72-73, il y a uniquement 1,9% des élèves, disons, issus de la majorité francophone qui vont choisir l'école anglophone. En revanche, 86,3% des enfants allophones vont prendre le chemin de l'école anglaise. Ces chiffres sont donnés dans le livre de Jean-Claude Corbeil. Alors, vraisemblablement, là, l'inquiétude de la majorité francophone se creuse. Là, et ça reste un problème. Ça reste un problème politique, en tout cas. Robert Bourassa, qui sera élu premier ministre libéral, en prend bonne note et il décide, en 1974, de légiférer à nouveau sur la question linguistique. Pourquoi il s'embarque dans cette galère? Ben, écoutez, le Parti libéral avait quand même tout un courant plutôt nationaliste. Robert Bourassa voyait bien qu'il y avait un électorat francophone qui était très demandeur pour ce type de loi. Et donc, le 31 juillet 1974 est officiellement sanctionné la loi sur la langue officielle. Il vient de se faire réélire, le gouvernement libéral, en 73. Donc, va de l'avant avec une loi qui est beaucoup plus ambitieuse que celle de 1969. Une loi qui est beaucoup plus large. D'abord, qui va proclamer que le français est la langue officielle au Québec. Et ensuite, qui va donc aussi déclarer que c'est la langue de travail, même si les mesures destinées aux employeurs sont assez peu contraignantes. Mais surtout, ce qui va retenir attention, c'est qu'on va vouloir restreindre l'accès à l'école anglaise par le biais de tests d'aptitude linguistique. Oui. Donc, on va demander aux élèves de passer des tests. S'ils sont suffisamment bons en anglais, alors ils pourront y avoir accès. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, on leur refusera l'accès à l'école anglaise. Donc, cette loi va mécontenter tout le monde. Va mécontenter les fédéralistes sauce Pierre-Éliott Trudeau, qui dit, attendez, on est dans un pays bilingue. Pourquoi langue officielle du français? Et va mécontenter, évidemment, ceux qui veulent avoir le libre choix de la langue d'enseignement. Adoption en 74, 76, élection du Parti québécois le 15 novembre 77, donc avril, dépôt de cette loi 101. René Lévesque confie ce dossier, c'est important pour le Parti québécois, pour lui, à Camille Lorrain. Pourquoi Camille Lorrain? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'elle mandat il lui donne? D'abord, il le nomme ministre au développement culturel. C'est un ministère important qui ratisse large. Il lui confie ce mandat en lui disant « Docteur, vous allez me corriger tout ça ». Camille Lorrain, c'est un psychiatre de formation qui a été très important à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui a fait son chemin, qui est une figure importante. Il a étudié à l'étranger. Et vraiment, dans son esprit, cette grande loi linguistique, d'ailleurs, il va s'adjoindre des gens de haut calibre, le sociologue Guy Rocher, le sociologue Fernand Dumont, pour l'aider. Et donc, il voit vraiment cette loi comme non seulement une loi défensive, on ne veut pas seulement défendre la place du français, mais on veut que la majorité francophone puisse s'affirmer. Il déclarera un jour « Je voulais faire une loi qui répare, qui redresse et qui redonne confiance, fierté et estime de soi à un peuple qui tenait à sa langue, mais qui était devenu résigné et passif. » Et elle prévoira quoi, cette loi, concrètement, Éric Bédard? Alors, cette loi, elle dit la chose suivante. Seuls les enfants de la minorité anglophone auront accès à l'école anglaise. C'est une idée qui vient de Guy Rocher, qu'il a entendue d'une de ses nièces lors d'un souper un dimanche. C'est incroyable. Alors, dans le fond, c'est une idée assez simple, mais que tout le monde peut retenir. Donc, ça concède un droit historique à la communauté anglophone, mais ce n'est pas le libre choix non plus. Ensuite, affichage commercial et public uniquement en français, c'est une mesure qui sera assez controversée. Et il y aura évidemment des gens pour s'assurer qu'on respecte cette disposition. Et enfin, on s'entend sur le fait que le français sera la langue unique de la législation et de la justice. Mais c'est une petite révolution. Beaucoup de réactions dans la société civile, beaucoup de réactions à l'intérieur même du Parti québécois. Alors, il y a des réactions, elles sont généralement quand même positives, mais à l'intérieur du Conseil des ministres, il y a quelqu'un comme Claude Morin qui est plutôt hostile à cette loi, qui croit que ça va trop loin, que ça va faire fuir certains investisseurs, mais il y a quand même une majorité. René Lévesque lui-même est plutôt mal à l'aise, il le dit publiquement, il dit que c'est humiliant à son avis, mais il va se rallier, c'est quand même important. Il va se rallier dans l'esprit de René René Lévesque, nous disent ceux qui ont étudié son parcours, il s'agissait de reprendre en gros la loi 22 et d'enlever quelques irritants. Ouais. Il ne s'attendait pas à avoir une loi aussi ambitieuse. Je ne vous en demandais pas tant, aurait dit René Lévesque à Camille Lorrain. Par le jugement de la Cour suprême, le pouvoir fédéral obtient ce qu'il recherchait. Il réimpose au Québec le joug, le carcan centenaire dont le Québec s'était débarrassé en affirmant par voie législative sa propre identité linguistique et culturelle. Le pouvoir fédéral réaffirme ainsi de sa seule et souveraine autorité que le Québec demeure une colonie de l'intérieur, qu'il ne peut échapper à la subordination politique de l'État central, qu'il ne peut reconnaître et inscrire dans les lois sa réalité fondamentale. Le ministre Camille Lorrain qui réagit donc en 1979 à un jugement de la Cour suprême qui affaiblit la loi 101. Et là, Éric Bédard, on va s'embarquer dans une succession de causes en Cour suprême qui affaibliront la loi 101. D'abord, la loi constitutionnelle de 1982 va invalider, par son article 23, va invalider certaines dispositions de la loi sur la langue d'enseignement en disant que les Canadiens anglais ont aussi le droit à un enseignement dans leur propre langue au Québec, ce qui invalide une des clauses. En 2010, il y a un jugement de la Cour suprême qui va permettre les écoles passerelles, hein, qui est une petite brèche donc en ce qui a trait à la langue aussi d'enseignement. Mais le plus important jugement, c'est celui de 1988, où on va considérer que l'affichage unilingue en français, c'est une façon de brimer la liberté d'expression. Et donc, le gouvernement libéral devra invoquer la clause nonobstant, mais ça va lui coûter cher politiquement. Et ça va donner aussi l'adoption de la loi 178. Quelle est donc la décision la plus juste? Le français est menacé, a dit la Cour suprême. Eh bien, qui peut le mieux et doit le plus, sinon celui qui vous parle, en raison même de ses fonctions, promouvoir, défendre et protéger la culture française? J'ai donc proposé au gouvernement qui l'a endossé et à mes collègues du caucus et au Conseil général la formule que vous connaissez maintenant et qui permettrait à l'intérieur des commerces l'élimination de cette prohibition, mais qui maintiendrait l'unilinguisme français pour l'extérieur. Aucun commerçant ne sera forcé d'aucune façon d'utiliser une autre langue que la sienne. Le français pourra être unilingue, appliqué d'une façon unilingue dans tous les commerces. Mais la prohibition d'utiliser une autre langue sera éliminée à l'intérieur. Gouverner, c'est choisir. Nous avons fait ce choix et nous en sommes convaincus, un choix qui va dans le sens de la solidarité et de notre histoire. Mais ce choix, il va coûter, Éric Bédard, 4 députés à Robert Bourassa. Oui, 4 députés anglophones qui vont se joindre bientôt. Enfin, il y aura aussi un nouveau parti, le parti Égalité, qui va faire élire quelques députés en 1989. Alors donc, on applique la clause dérogatoire au jugement de la Cour suprême, mais ça ne dure que 5 ans. Et donc, après 5 ans, il faut renouveler la disposition dérogatoire à ce jugement de la Cour suprême. Et donc, on est en 1993. Et donc, on décide, en 1993, après discussion, d'adopter la loi 86. Et là, la loi 86 a moins de dents que celle de 1988, c'est-à-dire qu'il y aura finalement affichage bilingue à l'extérieur, mais avec prédominance du français. C'est une loi qui va être pilotée par Claude Ryan. Je vous propose là-dessus de remonter dans le temps. C'est l'avantage qu'a ce genre d'émission. Extrait de René Lévesque en 1966, parce que cette loi 86 sur l'affichage, c'est encore celle qui a cours. Il y a ce qui ressemble à un consensus social sur cette question de l'affichage. Écoutez, en 66, René Lévesque, au fond, qui est plutôt d'accord avec l'esprit de la loi 86. Par ailleurs, moi, je crois très fort à ce qu'on appelle la priorité du français. Je vais donner un exemple bien simple. Tout ce qui est l'affichage, les menus, les raisons sociales des entreprises devraient le plus vite possible comprendre qu'il faut respecter le français, que le français doit avoir la première place sur les affiches, sur les menus. Ça n'empêche pas l'autre langue d'avoir sa place aussi, mais de tenir compte du respect qu'on doit à la majorité avant que peut-être un jour la majorité se fâche une fois pour toutes puis dise, ben, ce qu'on nous a fait, on va le faire aux autres. Alors, on voit qu'il y a peut-être une certaine souplesse de René Lévesque sur l'affichage unilingue ou bilingue avec nette prédominance du français, et probablement que c'est la position d'une majorité de Québécois aussi. Par contre, le choix de la langue d'enseignement, je pense que là-dessus, les Québécois ne veulent pas bouger. Il y a vraiment une position extrêmement claire qui a été, dans le fond, définie par la Charte de la langue française en 1977. Oui, parce que c'est une loi qui couvrait, c'est une vraie politique linguistique avec plusieurs aspects. C'est ça que ça nous montre aussi. Un dernier extrait pour vous. Camille Lorrain, en avril 77, alors qu'il vient de présenter les grandes lignes de la loi 101, Camille Lorrain, vous allez voir Éric Bédard qui, sans le savoir, au moment où il prononce ses paroles en 77, pose au fond ce que certains considèrent aujourd'hui comme l'effet pervers de la loi 101. Cette loi est parfaitement réalisable dans le contexte constitutionnel actuel. C'est notre droit le plus absolu de faire du Québec un pays aussi français que l'Ontario est anglais, que les autres provinces sont anglaises. À l'intérieur du cadre constitutionnel actuel, nous n'avons rencontré que quelques limites, évidemment, qui seraient abolies si le Québec était indépendant. Mais l'indépendance ne changerait presque rien au caractère fondamental et à la majorité des articles de cette loi. Donc, c'est un acquis qui le restera au moment de l'indépendance. Ça aussi, c'est intéressant de jouer un peu comme ça dans la séquence du temps au regard de la situation actuelle. C'est intéressant, mais c'est dangereux. C'est vrai. C'est vrai. Mais en effet, c'est très intéressant. Écoutez, la loi 101, pour certains, c'est un premier jalon. C'est un travail à poursuivre, puisque malgré les dispositions sur la langue d'enseignement, trop de fils et de filles de nouveaux arrivants font leur vie en anglais, choisissent d'aller au cégep en anglais, à l'université en anglais. Et donc, on a beau avoir une loi, mais il faut peut-être la renforcer, ou enfin, c'est un premier jalon. Et peut-être que pour ceux-là, évidemment, l'indépendance viendrait parachever ce travail. Pour d'autres, la loi 101, c'est peut-être le plus important héritage du Parti québécois au pouvoir, mais c'est une sorte de victoire à la Pyrrhus. Peut-être que ça a montré à certains que l'on pouvait défendre le fait français à l'intérieur du Canada. C'est là où on rejoint pour ce peu que Camille Lorrain disait, au fond. Ben, c'est ça. Alors, donc, ça a donné peut-être à certains une sorte de sentiment de sécurité. Ouais. La question linguistique est réglée, même dans le cadre fédératif. C'est un petit peu ça le danger. Voilà, c'est d'un point de vue, disons, indépendantiste. Exactement. Ça a donné une sorte de sentiment de fausse sécurité. Chose certaine, on a l'impression, avec les dernières tentatives de réforme linguistique sous le gouvernement Marois, on a l'impression que ce qu'il y a actuellement comme loi, ça semble convenir à la grande majorité. Il y a eu la loi 101, très bien, on en est fiers, mais aller plus loin dans les dispositions légales et juridiques, pour une majorité de Québécois, ça ne semble pas nécessaire. En tout cas, c'est ce que ça a montré quand le gouvernement a voulu aller, le gouvernement Marois a voulu aller dans ce sens-là. Éric Bédard, professeur à la TELUC, ami de l'émission. Merci beaucoup, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.